ambassadeur. Bonjour tout le monde, nous sommes le 27 mai et vous vous réveillez avec France Culture et Un autre jour est possible, votre réveil culturel. Dans un instant, on retrouve notre tête chercheuse de la semaine, la spécialiste de l'Amérique, Nicole Bacharan, pour notre série qui marque les 50 ans de la mort de Malcolm X. Malcolm X, au nom d'Allah, de l'Amérique et des droits civiques, troisième épisode, c'est dans un instant. Et puis en deuxième partie, HK et les Saltimbanques à l'occasion de la sortie de leur album « Rallumeur d'étoiles ». Assalamu alaikum. Brothers and sisters, Malcolm X. We wake up, we clean up, and we stand up. And once we can stand up like a man on our own feet, we stop begging the white man. And we stop apologizing to the white man. We stop compromising with the white man. Malcolm X. Malcolm X, au nom d'Allah, de l'Amérique et des droits civiques, avec Nicole Bacharan, qui est politologue, mais qui est franco-américaine, et qui est aussi spécialiste, bien sûr, de la société et de l'histoire du XXe siècle américain, auteur, entre autres, des Noirs américains, des chants de Coutan à la Maison-Blanche et aux éditions Perrin, et c'est paru en 2010. Et aujourd'hui, troisième épisode de notre série consacrée à Malcolm X, la radicalisation. Et cette radicalisation, Nicole Bacharan, survient tout de suite après sa sortie de prison. Oui, tout de suite après sa sortie de prison, il est très très présent au sein des musulmans noirs. Il devient donc très très proche du patron, du chef des musulmans noirs, Elijah Muhammad. Malcolm X devient son second, son porte-parole, son fils spirituel. C'est lui qui transmet évidemment toutes les directives. Et il commence également à être présent dans les médias, on le disait hier. Et il y a une émission en particulier qui était intitulée « La haine produite par la haine ». Où il a été invité. C'est vraiment la première grande émission où il a été présenté. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on lui a demandé « Quel est votre nom ? C'est quoi ce X ?» Et il a répondu « Je m'appelle X parce que je ne sais pas quel est mon vrai nom. Je n'avais que mon nom d'esclave. » Et X représente le nom africain perdu, puisque les esclaves recevaient en général le nom de leur propriétaire. Alors, après ce passage, après ses premiers discours, une fois que le charisme de Malcolm X l'impose comme un personnage médiatique dans l'Amérique, qui va le soutenir ? Est-ce qu'il n'y aura que des Noirs musulmans radicalisés, ou bien son combat, son charisme vont toucher une partie de l'ensemble du peuple américain ? Je pense que sa popularité au sens de des gens prêts à le suivre, ça restera très limité parce qu'il fait peur. Je pense que sa popularité ne concerne pas que les musulmans noirs. Il y a beaucoup de jeunes noirs qui l'admirent, qui voudraient lui ressembler, qui pensent qu'il a raison. Il n'a pas beaucoup de soutien dans l'Amérique blanche, même parmi les gens, disons, qu'on peut qualifier de contestataires, de révolutionnaires, parce que son discours fait peur, vraiment. Et il dit qu'il faut obtenir l'égalité par tous les moyens nécessaires, avec un regard extrêmement inquiétant, qui veut dire que, y compris la violence. Il dit que ce sera le bulletin de vote ou ce sera les balles de fusil. Et il a un discours extrêmement agressif à l'égard des Blancs. Il n'y a pas de conciliation dans son discours à ce moment-là. Il se moque, par exemple, des Blancs qui vont se faire bronzer l'été sur les plages en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et regardez-les qui veulent nous ressembler avec leur vilaine peau toute rose, etc. Il a beaucoup de formules extrêmement forte, extrêmement médiatique. Mais croit à ce qu'il dit ? Je pense qu'il croit tout à fait à ce qu'il dit. Alors évidemment, il n'est plus là pour nous le dire. Il pourrait être là pour nous le dire s'il n'avait pas fini si prématurément. Il n'est né qu'en 1925. Mais je pense qu'il y croit tout à fait. Et c'est ce qui donne d'ailleurs autant de force et de crédibilité et d'impact et de crainte, du coup, à ceux qui l'écoutent. Et pourtant, quand je vous ai demandé, Nicole Bacharan, si on pouvait intituler cette série Malcolm X, un djihadiste noir américain, vous m'avez dit, il faut pas faire ce genre de titre qui pourrait prêter à confusion. Et pourtant, vous le décrivez comme un djihadiste. Pas du tout. Je ne le conçois pas du tout comme un djihadiste. D'abord, vous le savez, il y a un sens spirituel du djihad. Et c'est vrai qu'à l'époque de Malcolm X, en tout cas, ça n'était pas une expression qui était employée au sein des musulmans noirs, qui est une expression qu'il n'a jamais employée lui-même. Et puis, malheureusement, aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle de djihad, de djihadiste, un seul sens vient à l'esprit, et c'en est bien regrettable, mais Malcolm X était extrêmement loin de l'idée d'assassinat gratuit ou d'attentat kamikaze. Totalement différent. Mais il était pour la lutte armée. Quand il dit par tous les moyens... Il l'était en théorie. C'est-à-dire qu'en fait, et quand on l'écoutait bien, et puis au fil du temps, puisqu'il a fait beaucoup de déclarations, il prévenait que si l'égalité n'était pas obtenue de manière pacifique, n'était pas obtenue par le droit de vote, notamment, alors ça finirait mal, ça finirait dans la violence. Mais il ne prônait pas la violence comme méthode première, pas du tout. En voyant les discours de Martin Luther King, les prises de position de Malcolm X, l'Amérique va changer, bientôt il va y avoir un jeune président démocrate, c'est-à-dire Kennedy. Comment la société va évoluer et comment le discours de Malcolm X va lui aussi évoluer avec le temps? Alors, quand John Kennedy est élu en novembre 1960, donc il est président en janvier 1961, il faut dire la vérité, les droits civiques, c'est pas au sommet de ses priorités. On est en pleine guerre froide, Berlin, bientôt Cuba, et c'est Martin Luther King, dans ce cas-là, qui vraiment va mettre les droits civiques au centre et au milieu, comme on dit en anglais, devant et derrière la présidence Kennedy, en organisant des manifestations qui vont tourner très mal dans le sud, notamment à Birmingham, et tout cela passe à la télévision, donc l'Amérique entière voit la violence du Sud ségrégationniste et John Kennedy va faire en 63 un très beau discours d'ailleurs où il dira que la ségrégation n'a pas sa place dans la vie ou dans la loi américaine et il va proposer au Congrès une loi sur les droits civiques, sur l'égalité donc des droits civiques pour les Noirs. Loi malheureusement qu'il ne verra pas voter puisqu'il sera assassiné avant. Mais déjà là, on se rend compte que c'est la ligne Martin Luther King qui l'emporte sur celle de Malcolm X. Mais à ce moment-là, en tout cas, la ligne de Martin Luther King est la ligne efficace. Mais très difficilement efficace, à un prix très lourd. Et Malcolm X, lui, n'a que mépris pour cette stratégie de Martin Luther King. En août 1963, il y a cette grande marche sur Washington où Martin Luther King prononce ce très beau discours. I have a dream, je fais un rêve. Malcolm X en ricane et dit la farce et non la marche sur Washington. Est-ce que les deux hommes se rencontrent? Ils se rencontreront en 65, très peu de temps avant l'assassinat de Malcolm X. Pourquoi? Parce que entre temps, Malcolm X va évoluer, va se rapprocher de la ligne de Martin Luther King. Il en sera, disons, beaucoup moins éloigné. Et beaucoup de choses auront changé entre 63, l'année de l'assassinat de Kennedy, et début 65. L'assassinat de Malcolm X, il y a un an et demi où beaucoup de choses vont se passer. Et notamment, au moment de l'assassinat de John Kennedy, Malcolm X déclarera publiquement « Les oiseaux reviennent sur leur perchoir », ce qui signifie que c'est un boomerang, qu'au fond, l'Amérique paye la violence qu'elle inflige par la violence qu'elle reçoit et donc l'assassinat de Kennedy. Et ça choquera beaucoup aux États-Unis, mais ça choquera beaucoup Elijah Muhammad, le patron des musulmans noirs. Et il dira à Malcolm X, il ne faut pas dire ça. Tout le pays pleure cet homme, il était très aimé et c'est très mauvais pour nous que tu dises des choses pareilles. Et il lui interdit de prendre la parole pendant 3 mois. Et en fait, c'est la rupture parce qu'il y a beaucoup plus grave entre eux. D'abord, Elijah Muhammad ne supporte plus la concurrence qu'a fini par lui faire ce porte-parole. Malcolm X est trop populaire, trop charismatique, trop télégénique, et j'ai envie de dire, ce qui n'est pas du tout le cas d'Elijah Muhammad. Par ailleurs, Malcolm X a découvert que Mohamed ne menait pas une vie pieuse aussi respectable que ça et qu'il avait des enfants avec un tas de jeunes filles mineures qui faisaient partie de sa paroisse. Et enfin... Entre guillemets, sa paroisse. Oui, sa paroisse, plein de guillemets, pardonnez-moi, de son groupe. Et enfin, Malcolm X a découvert cette défense, cette mise en avant du séparatisme noir, de, pour avoir des villes noires, des États noirs, ça n'était pas un objectif réel pour Elijah Muhammad, qu'il en parlait comme ça pour faire des recrues, mais qu'il ne faisait rien de concret pour y parvenir. Donc il y a une rupture très très très dure. Et d'ailleurs, Malcolm X perd beaucoup de ses amis, dont à l'époque Cassius Clay, le boxeur qui s'était lui aussi converti, devenu Mohamed Ali, et qui n'adressera plus jamais la parole à Malcolm X. Comment Malcolm X se fait-il entendre ? Est-ce qu'il a des attachés de presse comme aujourd'hui ? Est-ce qu'il a un car qui va sillonner toute l'Amérique ? Est-ce que les médias américains, même s'ils sont très suspicieux vis-à-vis de lui, vont lui donner une tribune ? Bref, comment le discours radical de Malcolm X va diffuser ? D'abord, il est vraiment présent dans les médias. Parce que certes, on peut pas dire qu'il soit approuvé par les émissions qui l'invitent, mais c'est comme aujourd'hui, il fait de l'audimat, il fait du spectacle. Mais c'est vrai qu'il choque, il surprend, il a tout pour faire gonfler le nombre des téléspectateurs. Il a tout compris aux médias. Il a tout compris aux médias, c'est un personnage très médiatique. Et à la suite de ses passages dans les médias, il est aussi invité dans beaucoup d'universités. Parce qu'on est au début des années 60, on est dans une période de contestation qui commence à enfler. C'est pas encore la grande période, ce que Malcolm X, malheureusement pour lui, ne connaîtra pas. Mais les étudiants ont l'habitude d'inviter comme cela des speakers qui leur semblent intéressants et ils rencontrent comme ça beaucoup, beaucoup de gens. C'est lui qui écrit ses discours ? C'est lui qui écrit ses discours. On n'est pas à l'époque des communicants. Il n'a pas de communicants, il n'a pas d'équipe, il n'a pas de conseiller en images. Il travaille lui-même. Et est-ce qu'il a une vie privée, Malcolm X ? Il a une femme et quatre enfants, très, très discrète, que malheureusement on ne découvrira vraiment qu'au moment de sa mort. Merci Nicole Bacharan. On se retrouve demain pour la suite de cette série Malcolm X, Onanda La, de l'Amérique et des droits civiques. À demain. Whether you're educated or illiterate, whether you live on the boulevard or in the alley, you're going to catch hell just like I am. We're all in the same boat. And we all are going to catch the same hell from the same man. He just happens to be a white man. All of us have suffered here in this country political oppression at the hands of the white man. Economic exploitation at the hands of the white man. And social degradation at the hands of the white man. Now, in speaking like this doesn't mean that we're anti-white, but it does mean we're anti-exploitation. We're anti-degradation. We're anti-oppression. And if the white man doesn't want us to be anti-him, let him stop oppressing and exploiting and degrading. Un autre jour est possible sur France Culture, Toufik Hakem, Et maintenant, la deuxième partie. Et la deuxième partie, c'est vous l'invité, HK. On va écouter un extrait de votre dernier album. Allez. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde. Positives et rebelles, nomades et vagabondes. Ce soir, la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes. Tous les chemins que nous avons suivis, tous nos détours nous ont menés ici. Ici, ensemble et maintenant, tout devient tellement plus évident. Tant de fois nous nous sommes perdus, tant de fois nous nous sommes cherchés. Tant de fois nous avons cru que jamais, oh jamais, nous pourrions y arriver. Soyons de ceux qui pensent encore qu'il y a bien une vie avant la mort. Si elle était là, juste dans nos yeux, ne demandant qu'à briller de mille feux, et quitte à nous brûler les ailes, si nous nous embrasions avec elle, si nous la laissions nous emporter loin des vents mauvais. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomades et vagabondes. On espère que vous aussi, vous êtes sur la même longueur d'onde que HK et les Saltimbanques qui sortent un disque. Et vous êtes toujours aussi militant, toujours HK, avec cet album. Bah ouais, c'est pas notre âge qu'on va se refaire. Donc voilà, à 38 balais maintenant, donc ça fait 20 ans qu'on fait de la musique. Et ouais, c'est ce qu'on aime, c'est raconter des choses, c'est dire des choses. Alors on sait que c'est pas simple justement dans une époque où on aime bien simplifier les choses, où on aime bien ne parler de rien. Surtout quand on fait de la musique, il faut que ce soit lisse, il faut que ce soit comestible, ingurgitable là maintenant tout de suite, que ce soit un peu brillant, clinquant. Et c'est vrai que nous, notre musique, voilà, elle prend plus de temps à s'installer. On essaie de joindre l'utile à l'agréable, parce que c'est comme ça qu'on conçoit la musique. Et pourquoi ce titre d'album, Rallumeur d'étoiles ? Ah, c'est justement, c'est cette époque un peu sombre, un peu confuse, brumeuse, où on n'y voit pas clair, et une époque propice aux obscurantismes de toutes formes, de toutes sortes. On l'a vu dans cette actualité en début d'année. Il y a cette idée que, comme disait le grand poète Apollinaire, il est grand temps de rallumer les étoiles. Et c'était rendre hommage à tous ces rallumeurs d'étoiles. Alors c'est le rallumeur d'étoiles, c'est cet anonyme qui, par une parole, par un acte, par un engagement, dans son petit coin de ciel, son petit lopin de terre autour de lui, rallume une petite étoile, un petit coin de ciel. Un peu moins brumeux, et en prenant le pari, en ayant cette folle utopie que la somme de toutes ces petites étoiles, ça ferait cette constellation qu'on appelle de nos voeux. Je me suis dégoté, un drôle de métier, avec moi embarqué quelques illuminés des fous. Oh oui, des fous. Je leur ai proposé pour unique salaire de la traînée de poudre d'étoiles polaires. D'accord, ils m'ont dit d'accord. À la tombée du jour, quand le monde est chaos, v'là qu'on sort les échelles et les chalumeaux. Franco, on grimpe là-haut. Perchés sous les étoiles, givrés que nous sommes, dans la nuit noire, nous travaillons pour les hommes. Encore, nous travaillons encore, et encore, et encore. Quand vous faites un retour en arrière sur tout ce que vous avez fait, sur votre carrière, HK, vous n'avez pas encore 40 ans, donc ce n'est pas encore le moment des premiers bilans, mais Roubaix, la première période de votre entrée en scène, c'est-à-dire le hip-hop, et puis ça fait presque 10 ans, ça fait 9 ans que ça existe, HK et les Saltimbanques. Et HK et les Saltimbanques, c'est beaucoup plus de la chanson française à la manière de Noir Désir, à la manière de Zebda, à la manière de Manu Chao, c'est-à-dire c'est tout à la fois festif, mais il y a du contenu aussi. Ouais, c'est il y a une chanson dans cet album qui s'appelle À nous de jouer maintenant, où on revient. Alors c'est le groupe HKS Alterbanks, ça fait 9 ans et au-delà de ça, ça fait 20 ans que je fais de la musique. Voilà, je commence adolescent quand le hip-hop débarque dans nos quartiers et, à Roubaix, à Roubaix dans le nord de la France, ce ch'ti rebeu entre guillemets avec des rêves plein la tête et des notes de musique, des textes voilà écrits pendant les cours de français d'une certaine manière, voilà. Et j'aime cette idée de me dire voilà que je reste aujourd'hui 20 ans après fidèle à ce jeune Lascar, à ce jeune rappeur qui avait la naïveté de penser qu'une chanson pouvait tout changer. Et c'est ça, cette flamme, cette passion qu'on pouvait avoir dans la musique, cet espoir fou et complètement irrationnel qu'on pouvait avoir dans la musique. Mon histoire, une fable que vous lirez peut-être. Cette terre et ce sable sont ceux de mes ancêtres. Ici même j'ai grandi au bord de ce désert, à l'ombre des bandits sous l'arbre millénaire. Dounia, Akalankani Dounia. Oh Dounia, Kelemani Dounia. Et là, c'est un morceau avec Aboubacar Kouyaté, HK, l'Afrique qui devient de plus en plus présente. Mais vous voyez que vous évoluez avec... Heureusement. Voilà. Cette ouverture aussi bien aux racines, puisque vous avez tourné aussi avec une autre formation. Autour des musiques charbi, là avec une musique africaine qui vous accompagne toujours, cette ouverture aux musiques du monde, ça c'est venu bien après vos premiers pas dans le hip-hop, dans la chanson française. Ouais, mais ça fait partie de mon histoire parce que c'est des gens, que ce soit Aboubacar Kouyaté qui nous accompagne dans cette chanson, ou Leon Peña Casanova sur une autre chanson aux accents plus latino. La chanson s'appelle Para Cuando la Vida, c'est pour quand la vie. C'est des gens que j'ai rencontrés à Roubaix. C'est des musiciens qui sont nés dans leur pays, donc Aboubacar au Mali, Léon au Chili. Léon était au Chili dans les geôles sous Pinochet, en ce temps où parce qu'on était poète ou chanteur, on pouvait être emprisonné, ou même Victor Jara, même se faire couper la main. Et c'est des gens où ils étaient les bienvenus en France, les réfugiés politiques, les combattants de la démocratie. Et c'est des gens, c'est ça qui est drôle, j'allais dire, particulier. On s'est rencontrés tous, dans une petite association de musique, et il y avait des talents venus du monde entier et des gens extraordinaires. Je me disais, mais ils chantent tellement bien et c'est tellement beau ce qu'il fait, mais comment ça se fait qu'on le connaît pas? Et je me disais ça pour ces deux artistes-là, et aujourd'hui, je suis heureux de les avoir invités sur mon album et d'avoir raconté cette histoire qui nous parle d'Afrique et d'une certaine manière qui est née à Roubaix, quoi. C'est tout comme cette autre histoire qui venait du Chili et qui était née à Roubaix, donc dans des amitiés musicales et humaine. J'aime cette idée là à chaque fois que dans l'idée de rallumeur d'étoiles, il y a aussi ça, quoi. Ces gens, quand je les ai rencontrés il y a 10 ans, l'étincelle que j'ai pu voir dans leurs yeux, voilà, toute cette énergie positive qui diffusait autour d'eux et qui moi m'a touché, m'a parlé, de pouvoir à un moment donné modestement, j'allais dire, les faire connaître, mais partager en tout cas ce moment musical avec eux. HK et les Saltimbanques, généralement les gens qui vous apprécient savent qu'il faut surtout venir vous voir sur scène, et pas seulement dans les meetings, hein, parce que vous avez aussi fait des meetings autour de votre chanson On ne lâche rien, qui est devenu du coup un manifeste politique. C'est juste par rapport à ça, c'est dire c'est le contraire, l'exact contraire qui s'est passé. Cette chanson-là est née dans la rue, c'est vrai, avec les manifestations. C'est tout l'objet des gens qui font de la politique, de se réapproprier des choses qui sont devenues des phénomènes. Mais cette chanson-là était un phénomène avant que le politique ne s'en empare. Ouais. Et elle s'est retrouvée aussi au cinéma, dans La Vie d'Adèle. Exactement. J'aime cette idée, des multiples connexions, et en même temps de pas rester prisonnier d'un cadre ou d'une image ou d'une étiquette qu'on va nous coller, parce que notre musique est tellement riche, tellement variée, elle dit tellement plein de choses. C'est à la fois être revendiquer ce qu'on est, cet engagement qu'on peut avoir, et en même temps ne pas en être prisonnier et être reconnu aussi pour toutes ces autres chansons, celles qu'on a écoutées d'ailleurs juste avant. HK et les Saltimbanques, donc HK c'est pour votre nom, hein. Kadour Adadi Kadour, et les Saltimbanques pourquoi? Ah, c'est cette bande de musiciens roubaisiens, voilà, des amis que j'ai rencontrés aussi pareil à la même époque, il y a de ça 15 ans peut-être maintenant, 10 ans, 15 ans pour la plupart d'entre eux. Et quand on a formé ce groupe-là, c'était l'identité qu'on voulait avoir, c'était d'être fidèle à l'état d'esprit des saltimbanques, cette tradition du saltimbanque qui s'installait sur la place publique, qui se salta in banco, c'est ça, ouais. Celui qui saute sur un banc, oye oye, gentille dame, gentil damoiseau. Et on voulait vraiment coller à cette tradition de raconteur d'histoire, de conteur. Alors là, c'est conteur urbain contemporain, mais on voulait voilà être fidèle à ça. Et quand vous ne chantez pas. Kadour Adadi, vous écrivez des livres, le dernier en date édité par Rive-Neuve, Néapolis, ça parle de quoi ? Néapolis, c'est cette cité imaginaire, et pas tant que ça, où des gens ont été enfermés là parce qu'on les considérait comme étant des pestiférés, des sauvages, des pirates, des brigands, et on les a enfermés dans une ville, on les a enfermés derrière un immense mur, on les a bien évidemment empêchés de sortir, on a bien évidemment empêcher à des gens d'entrer. Et de ce fait-là, cette barricade, entre guillemets, de pierre qu'on a installée fait qu'on a raconté encore plus d'histoires sur eux, que voilà, jusqu'à dire qu'ils n'existaient pas ou que c'était évidemment tout cela des millions de terroristes, même des enfants, des bébés sont nés comme ça. Donc il y a un écho évidemment avec la réalité, avec ce qui peut se passer au Moyen-Orient, mais c'est un roman, voilà, c'est... tiré aussi de mes expériences, parce que grâce à la musique, on peut aussi beaucoup voyager. Mmh. Et on est allé tourner, on a fait des tournées en Palestine en 2007, en 2008, en 2009 aussi. Moi, j'aime cette idée qu'on puisse chanter partout, pour tous, tout le temps. Et que c'est ça qui est beau aussi dans la musique, c'est qu'on arrive aussi à transpercer des murailles, à passer, voilà, à faire des fissures dans ces murs que la bêtise humaine, que la folie humaine a érigé. Merci beaucoup, Kadour, d'être passé. HK et les Saltimbanques, Rallumeur d'étoiles vient de sortir, c'est chez Piasse. On écoute un dernier extrait. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous. Salut. Je suis qu'un bandit, de petits chemins de traverse. Et à force de te regarder, une drôle d'idée me traverse. Si on se cassait tous les deux, si on se faisait la malle. Si pour de vrai, avant d'être vieux, on faisait valser l'ordre moral. On les emmerde, on prend la poudre d'escampette. On s'arrache loin des grincheux, des croquants et des grosses têtes. On prend la tangente façon brebis égarée. Égare au panneau qui nous dit que la route est barrée. Mais si je retombe dans mes travers, retiens-moi pour pas que je tombe. Et même si le monde me regarde au travers, promets-moi de me relever. C'était Un autre jour est possible, à retrouver sur franceculture.fr pour le podcast ou l'écoute en ligne. Je vous retrouve demain, j'espère en forme. Demain, nous serons avec Rob Swigart en deuxième partie. En première partie, je serai toujours avec Nicole Bacharan pour notre série consacrée à Malcolm X. C'est pas ce qu'il y a de moins dangereux. C'est pas de bon ton à notre époque. Et ça peut faire des envieux. Ouais, je débloque. Hey, allô. Dis pas qu'une vie de bohème avec toi, ça vaut pas de l'or. Mais si je retombe dans mes travers, retiens-moi pour pas que je tombe. Et même si le monde me regarde au travers, promets-moi de me relever si un jour je tombe. Si un jour je tombe. Pauvre fou en cavale, au pays du grand capital, t'imagines déjà le scandale. Nos têtes en première page du journal, attrapez-les, écrit en grosses lettres capitales. Tous les deux à la belle étoile, sous l'œil de la lune rousse. Pendant que le shérif et son étoile sont à nos trousses. Et quand bien même, si un jour il nous arrête, si je dois tomber dans tes bras, je veux bien prendre perpète. Mais si je retombe dans mes travers, retiens-moi pour pas je tombe. Et même si le monde me regarde de travers, promets-moi de me relever si un jour je tombe, si un jour je tombe.